Les âmes mortes, tome 2, chant 14, lacunes et hypothèses. En même temps que Betrichev entrait par une porte latérale dans la salle à manger, par la grande porte vitrée de la galerie entrait aussi un gentilhomme, aux traits réguliers, tondu très ras, et d'un embonpoint si extraordinaire que l'attention de Tchitchikov se porta d'abord sur la solidité rassurante des chaises. C'était le magistrat de tout le gouvernement, non pas le plus élevé en dignité, mais le plus actif et le plus influent. Le général, après les premières politesses, le conduisit à la vaste console sur laquelle était un plateau chargé de harengs, de caviar frais, d'anchois, de beurre de crème, de triple essence de cumin, de curaçao et de quatre autres liqueurs apéritives. Le personnage fit sur ce plateau un épouvantable dégât. On renonça à la prégustation presque tout expédiée et on se mit à table. Betrichev échangea avec lui peu de paroles avant que la grosse faim eût été abattue par les deux premiers services. Mais ensuite, Tchitchikov put conclure de ce qu'il fut dit que, grâce à la parfaite serviabilité du magistrat, le général n'avait jamais à se rendre à la ville pour ses affaires. Les seules circonstances où il se dérangea, c'était quand une pièce importante exigeait sa signature dans ceux des livres matriculaires qu'on ne déplace pas. Notre héros, qui écoutait d'une oreille de ce côté, tout en conversant avec Julienne, avait compris l'admirable parti qu'on pouvait tirer de l'intimité du magistrat et du général. Aussi ne mangea-t-il presque rien, et, dans son vif désir de complaire à la noble demoiselle passionnée pour les promenades équestres, il exulta le charme de l'exercice du cheval et dit l'avoir beaucoup pratiqué autrefois. Il fut pris au mot. La soirée s'annonçait fort belle. Moins d'une heure après le café, comme il se rendait dans la cour pour faire atteler, tandis que le général, dans un coin du divan de la galerie, et le magistrat, dans un vaste fauteuil, faisait la sieste, Paul Ivanovitch se vit présenter un joli cheval de selle, et Julienne, souriante, et la cravache à la main, s'installait sur une fringante à quenée. Il fit bonne mine à mauvais jeu, et monta. En un clin d'œil, Julienne eut deviné la complète inexpérience de son compagnon de chevauchée, et comme elle était d'une angélique bonté, elle tint l'amble et ne fit durer l'épreuve qu'une demi-heure. À leur rentrée, le général remercia Tchitchikov de sa complaisance pour son enfant gâté et l'engagea à venir les voir tant qu'il lui plairait. Tchitchikov, fier de ses succès et de retour le soir chez son hôte, émerveilla le bon Tentetnikov par le récit de tous les détails de sa visite. Le boudeur resta boudeur à l'égard du général, mais il sollicita Tchitchikov de faire honneur, dès le surlendemain, à l'invitation du général, et d'en faire autant deux jours après ce surlendemain. On croit qu'il fut échangé quelques messages entre les parties respectives, comme préliminaires de paix. Il en résulterait une sorte de preuve que M. André offrit spontanément à notre héros son hôte de lui faire donation aimable de 90 âmes mortes de ses terres, et lui en remit la liste comme de paysans très vivants qu'il lui aurait vendus. Ainsi fit de son côté le général. Le magistrat se chargea de tout préparer, de manière que vendeurs et acquéreurs n'eussent plus qu'à venir au chef-lieu apposer leur sein et déjeuner dînatoirement avec messieurs les témoins de la transaction, chez le bon magistrat, si rond en toute chose. Dans l'intervalle des négociations, où l'on rit aux larmes du bon tour joué à l'oncle de Tchitchikov, devenu la fable des bureaux, notre galant héros, malgré de petites chutes sans conséquence, se formait à l'équitation, d'après les conseils que Julienne lui donnait indirectement, et devint par là assez bon cavalier pour entreprendre, sans trop de meurtrissures, une excursion plus lointaine. Quant à notre beau ténébreux, le mélancolique Tentetnikov, il perdait chaque jour de sa sauvagerie. On le vit se rapprocher d'un de ses voisins de campagne, un Nemrod, qui, lorsqu'il allait dîner chez Betrichev, l'avertissait à tout coup de sa visite, en lui envoyant la veille une belle bourriche de gibier. Ses terres confinaient à celles de tous les deux. Ce voisin possédait, au fond d'un charmant bocage, une jolie maison de plaisance, affectant la forme d'un repos de chasse. Il y entraîna un soir Tentetnikov, le fusil sur l'épaule, sous prétexte de chasser le lendemain à la Tiaga, dès avant l'aurore. Il n'était pas là depuis une demi-heure que le hasard fit apparaître, devant le perron du joli pavillon, le général Betrichev en calèche. À cheval, aux deux portières, se tenait Julienne, éblouissante de beauté. Et Tchitchikov, qui, charmé de l'heureuse rencontre, en augura la réconciliation soudaine de ses deux hôtes habituels. Son nouvel hôte du jour, d'une amabilité parfaite, improvisa un thé, un souper fin, un champagne abondant frappé à la glace, et un punch aux ananas très flambant, auquel les quatre cavaliers firent honneur sans paraître surpris de rien. Quand on se sépara, Tchitchikov entendit très distinctement à deux fois prononcer le mot « fiançailles ». À cinq jours de là, il y eut grand dîner d'apparat chez le général. Celui-ci parla à Tentetnikov des gloires de 1812 et de ce que rapportera de grand l'histoire des généraux de cette immortelle époque. Tentetnikov ne put s'expliquer les interpellations obstinées que lui faisait là-dessus son futur beau-père. Tchitchikov donna, sommairement et gaiement, la clé du malentendu, et, subtil diplomate, il finit par se faire grand honneur de son invention. Le dénouement prévu s'avançait, et à quelques jours de là, tous passèrent ensemble une demi-journée à la ville, où il se traita gaiement beaucoup d'affaires graves pour plusieurs. 10 jours plus tard, Tchitchikov, en philosophe qui ne s'amuse pas longtemps au même spectacle, se fit donner mission d'aller annoncer dans 3 gouvernements voisins, aux parents du général, le mariage de mademoiselle Julienne, ajournée à 2 mois. Cette grande tournée, qui devait commencer par le colonel Kochkarev, réputé fou assez généralement dans la contrée, avait lieu aux frais du général. Quelque objection qu'eût faite à cela notre héros. En effet, il disait discrètement que c'était bien assez que Betrichev lui fournît, pour une telle partie de plaisir, une très belle calèche de Vienne, et y fit atteler 3 vigoureux chevaux tirés des écuries de son excellence. Il accepta pourtant un joli portefeuille sur lequel était encadré un bouquet de violettes brodées en perles que le général lui dit être le travail de sa compagne d'équitation. Ce portefeuille, pourvu d'une microscopique serrure en argent à l'intérieur, se trouva être rembourré de ces menus assignats qui sont si utiles aux voyageurs, même à celui dont l'équipage révèle la plus grande aisance. Les âmes mortes, tome 2, chant 15. 2 originaux, chacun dans son genre. Si le colonel Kochkarev est véritablement fou, il n'y a pas de mal à ça, marmotta Tchitchikov, aussitôt qu'il se vit seul en rase campagne, au milieu de plaines immenses, où il n'apercevait plus, au-dessus du vert doré des champs et des prés, que l'azur de la voûte sans fond et le gris mêlé des quelques nuages lointains. « Sélifane ! Sélifane ! Tu as bien demandé, n'est-ce pas, par quel chemin on arrive chez le colonel ?»« Moi ? Impossible ! J'ai eu tant de mal avec cette calèche qui était rouillée, poudreuse, remplie de toiles d'araignée. Il a fallu épousseter, laver, graisser, vernisser, lui faire une toilette bien en règle, allez, pour la remettre dans l'état superbe où vous la voyez. Où aurais-je pris le temps de causer ? C'est moi qui ai tenu à ce que vous eussiez la calèche de cérémonie. C'est vieux, mais c'est gentilhomme, cela. Petrouchka a eu tout le loisir, lui, de questionner le cocher du général, et il ne s'en est pas fait faute. As-tu perdu le bon sens ? Je t'ai dit 100 fois qu'il n'y a pas à faire fond sur Petrouchka. Petrouchka est une bûche, un imbécile, un animal. Je suis sûr que le drôle est ivre et qu'il se tient à grand-peine sur le siège contre toi. Et la grande affaire, la route, bzzz, dit Petrouchka en faisant un quart de conversion à gauche et en jetant un regard oblique, hébété et sans but. Arrivé au pied du versant de l'autre côté de la montée, prendre à droite par les prairies, et voilà, c'est tout. Et toi, brute, pourvu que tu aies de la sivouka à boire, c'est tout, c'est bien tout ce qui t'intéresse. Fi, quelle odeur de brandevin il exhale, c'est une brûlerie ambulante. Tu es joli garçon, va, joli garçon. Et pourtant, ce n'est pas, je crois, de toi qu'il a été dit. Il parut et l'Europe admira sa beauté. En achevant ces mots, Tchitchikov se caressa le menton et la jambe, et il reprit à voix basse. Quelle différence vraiment, quand j'y pense, entre un gentilhomme éclairé et civilisé et ces ignobles figures de laquais. Cependant, la calèche dévalait. Il s'offrit de nouveau au regard du voyageur des prairies, puis de ces vastes espaces qui ne sont pas des steppes russes et qu'en Hongrie on nommerait des pustas, en d'autres lieux le pays plat, ou des landes, et partout des solitudes, parce que l'on fait bien d'y aller plusieurs ensembles si l'on tient à voir se remuer un peu de monde. On apercevait de loin en loin, pour toute décoration, quelques tremblaient de médiocre étendue. Doucement balancé sur ses moelleux ressorts, l'équipage continua de descendre le versant, en dérivant quelques sinuosités à peine sensibles. À la fin, ayant pris en effet par les prairies et atteignant les bas prés, le véhicule ne tarda pas à passer devant un moulin, puis à rouler sur un pont où il fit un bruit de tonnerre, puis dans un chemin creux, à ornières profondes, à descente rapide, à racines d'arbres en relief, à haies de rondins et à flaques boueuses. Tchitchikov se sentit bercé là, comme un enfant. Nulle part il n'éprouva la moindre secousse brusque. La calèche avait été bien jugée. C'était une merveille. Dès qu'elle eut retrouvé un sol plus ferme et plus uni, elle glissa comme une ombre. De jeunes aunes et des peupliers au feuillage argenté semblaient fuir, voler sur le passage, et le panache flottant de leurs branches abaissées fouettait à chaque instant le visage de Petrouchka et de Sélifane, assis côte à côte sur le siège, trop élevé pour de si humbles tonnelles de branchages. Petrouchka en fut 4 ou 5 fois fâcheusement décoiffé. À tout coup, il sautait à bas, ramassait sa casquette et montrait le poing aux arbres, en leur adressant quelques paroles vives tirées de son vocabulaire inédit, et suivi d'un méchant regard jeté à la dérobée à son maître, qui lui avait ordonné de se placer sur ce maudit siège. Mais quant à fixer fortement sa casquette, ou seulement à l'assujettir de la main, il n'en voulait rien faire, alléguant que l'accident ne se renouvellerait pas. Aux arbres que nous avons nommés vinrent se joindre des trembles, des bouleaux et des sapins qui se groupaient et se massaient de plus en plus le long de la route. Le bois s'épaississait et, sous ses arceaux, le jour semblait devoir se changer en ténèbres. Mais bientôt, à travers les branches et les fûts tronqués, on vit luire, comme les folâtres reflets d'un grand miroir agité au soleil. Les arbres s'éclaircirent, et voilà que notre voyageur vit devant lui la surface d'un lac de 4 kilomètres d'étendue en perspective. Sur la rive opposée à celle où roulait la calèche était un village composé de chaumières clairsemées, faites de rondins hâlés en gris par l'effet du temps. Les toits en saillie sur le pignon se réfléchissaient dans l'eau, là où l'eau était calme. Mais en certains endroits, une vingtaine de villageois, plongés dans le lac même, les uns jusqu'à la ceinture, d'autres jusqu'aux aisselles ou jusqu'au menton, tiraient à eux un immense filet. Chose étrange, dans ce filet s'était pris, je ne sais trop comment, outre le poisson, un individu de notre espèce, aussi large que haut, une vraie citrouille, un tonneau orné d'une tête, de jambes et de bras. L'homme citrouille, en se démenant, faisait grand remue-ménage dans l'eau et braillait de tous ses poumons « Denis Télépine, donne à Cosine, Cosine, prends le bout à Denis. Hé, toi, Thomas le Grand, ne tiraille pas comme ça. Laisse ça, laisse, et va aider à Thomas le Petit. Ah, les enragés, ils romperont la nasse. » On voit que, si l'homme potiron criait à tue-tête, ce n'était nullement dans la crainte de se noyer. Il était parfaitement garanti contre un pareil accident par la rotondité de sa taille. En effet, il aurait en vain fait 1000 sauts de carpe et changé à l'infini de posture afin de pouvoir plonger, l'eau eût refusé obstinément de le recevoir dans son sein. Il était obligé, par constitution, de flotter en balise. Et si 2 hommes se fussent établis sur son échine, toujours bien n'aurait-il pas sombré. Seulement, sa carène ayant, dans cette hypothèse, un tirant d'eau plus considérable, son haleine devenant oppressée et les passages de la respiration souvent interceptés, je me figure qu'il aurait certainement lancé du nez et de la bouche une grande quantité de jets amusants qu'il aurait d'autant mieux fait ressembler à une baleine. Ce qui provoquait ses cris, c'était uniquement la crainte que ces gens ne rompissent quelques mailles du filet et que le poisson ne regagnât le large. Aussi se faisait-il amener à la rive avec toute la capture frétillante au moyen de cordeaux que venaient de lui lancer pittoresquement quelques hommes qui se tenaient sur le bord. « Ce doit être M. Coche-Careff lui-même, » dit le cocher Séliphane. « Pourquoi cela ?» demanda Tchitchikov. « Parce qu'il a, comme vous voyez, la peau bien plus blanche que celle des autres, un corps plus gros, plus gras, mieux nourri, plus respectable, et comme il convient à un seigneur. » Ce dialogue avait lieu pendant que les gens de la rive amenaient déjà sensiblement vers la grève le monsieur emmêlé dans les mailles du filet. Dès qu'il eut senti qu'il pouvait prendre pied, il se mit debout, et ce ne fut qu'alors qu'il aperçut la calèche, et Tchitchikov qui trônait dedans, droit sur son séant, les mains sur les genoux et le sourire aux lèvres, au moment où l'équipage dévalait de la digue. « Vous n'avez pas dîné ?» cria le gros monsieur en se redressant sur la rive au milieu des poissons pris, tout couvert qu'il était du filet, comme, en été, on voit souvent la main des femmes gantées en mitaines de soie à jour. Il tenait, lui, sous son réseau de ficelles, sa main gauche au-dessus de ses yeux en garde à vue pour se garantir du soleil, et sa main droite plus bas. Le lecteur se rappelle la célèbre Vénus de Médicis. Bien. Non, répondit Tchitchikov en levant sa casquette et en s'inclinant avec aisance à 4 ou 5 reprises du haut de sa calèche. Eh bien, rendez grâce à Dieu, la chose en vaut la peine. « Qu'est-ce que c'est, donc ?» dit Tchitchikov d'un ton de vive curiosité, et en tenant sa casquette suspendue à 2 pouces au-dessus de sa tête. « Il est amusant, ce bon colonel » ajouta-t-il tout bas, tandis que l'autre se dégageait de la nasse avec le secours de son monde. « Vous allez voir, Thomas, le petit, lâche le filet et montre un peu l'esturgeon qui est dans le grand cuvier. Cosime Télépine, va donc lui aider. » Les deux pêcheurs désignés soulevèrent de dedans un cuvier la tête d'un poisson de grandeur monstrueuse. « Hein ? Dites-moi, quel prince poisson est venu demander à visiter ma cuisine ?» cria le seigneur à Rondepanse. « Ça, allez en avant, cher monsieur. Vous ne serez pas dans la cour que j'y serai moi-même. Cocher, prends par la descente et traverse les potagers. Hé, Thomas Télépine le Grand, cours-leur débarricader la haie pour qu'ils passent. Cet homme va vous guider. Moi, tout à l'heure, je suis à vous. » Thomas le Grand, paysan à longues jambes, courut pieds nus et en simple chemise en avant de l'équipage à travers tout le village, où l'on voyait étendu sur des pieux, devant chaque chaumière, raies, éperviers et filets de tout nom et de toute forme. Tous les gens de cet endroit étaient pêcheurs. Le rustre arriva à une barrière de palissade et enleva les quelques perches dont elle se composait. La calèche, après avoir traversé de grands terrains jonchés de légumes, franchit une autre barrière et roula sur une place au milieu de laquelle s'élevait une église de bois. Au-delà s'apercevaient les toits de la maison seigneuriale. « Oui, ce Kochkareff est un drôle de corps, » pensa Tchitchikov. « Mais voici ! Hé, je vous l'avais dit !» cria une voix. Tchitchikov jeta un coup d'œil dans la direction de cette voix. C'était celle du seigneur, qui roulait dans un équipage léger, légèrement vêtu d'une veste de cotonnade, d'un pantalon de nankin, et le cou entièrement découvert. Il était assis de biais sur sa drochka, que sa vaste capacité remplissait, et bien au-delà, de sorte qu'il avait, pour guider, une tournure d'automédon assez nouvelle. Tchitchikov voulait lui adresser une parole quelconque, mais il avait disparu. La drochka s'apercevait au loin, à l'endroit où l'on tirait le poisson des plis de la nasse, et où de nouveau retentissaient les noms de Thomas le Grand, de Thomas le Petit, de Cosime et de Denis. Quand la calèche se fut rangée contre le perron de la maison d'habitation, et que Petrouchka eut ouvert la portière en abaissant le marchepied, Tchitchikov vit, à son très grand étonnement, sur l'avancée, le gros monsieur en personne, les bras ouverts pour le recevoir. Il s'y jeta tout naturellement, sans pouvoir d'aucune façon se rendre compte du don d'ubiquité apparent de son hôte, ou du détour inutile qu'on semblait lui avoir fait faire. Ils se donnèrent l'un à l'autre le triple baiser en signe de croix d'usage antique et solennel. Le gros monsieur était un noble de l'ancienne coupe. « Je suis venu charger pour vous, » dit Tchitchikov, « des salutations et des compliments de son excellence. » « De quelle excellence ?»« Eh mais, le général Betrichev !» répondit Tchitchikov, non sans un certain embarras. « Je ne le connais pas. »« Est-il possible ? Je me flatte du moins d'avoir le plaisir en ce moment de parler au colonel Kochkareff. »« Eh bien, ne vous en flattez pas. Ce n'est pas chez lui que vous êtes tombé. C'est, Dieu merci, chez moi, chez moi !» Piotr Petrovitch Petouchkov. Piotr Petrovitch Petoukov. Petoukov Petrovitch Piotr, répondit le gros seigneur jovial. Tchitchikov resta stupéfait. Ça, comment donc ? Dit-il en s'adressant à Petrouchka et à Selifan, qui tous deux se tenaient, œil fixe et bouche béante, l'un assis sur son trône, l'autre debout contre la portière ouverte de l'équipage. « Comment ? On vous a dit chez le colonel Kochkareff, et vous m'amenez ici incommoder Petr Petrovitch Petoukov ?»« Ces braves gens ont bien fait. Allez à la cuisine, vous autres, prendre un bon coup d'eau de vie, » dit Petoukov. « Dételez et faites un peu connaissance avec mes gens. » « Je suis vraiment confus. C'est une erreur qui... une erreur que... » marmottait Tchitchikov. « Il n'y a pas là d'erreur. Allons donc, quelle erreur. vous dînerez, vous tâterez de ma table, et vous pourrez dire alors s'il y a eu erreur ou non. Je vous prie d'entrer. » ajouta-t-il en prenant Tchitchikov par le bras et l'introduisant dans la maison. D'une chambre latérale voisine du salon sortirent deux adolescents en par-dessus des thés, faits des nouveaux guingans, légers, minces et lustrés. Ces jeunes hommes avaient près de 3 pieds de haut de plus que leur père. « Ce sont mes fils, tous deux collégiens. Ils sont venus passer ici les fêtes. Toi, Nikolashka, tiens compagnie à monsieur. Et toi, Alexashka, suis-moi. » Et il disparut, suivi d'Alexandre. Tchitchikov s'occupa avec Nicolas, que le père appelait Nikolashka. Nicolas lui sembla promettre de sa personne, au pays, un employé, un gratte-papier, un fainéant de plus. Il raconta de prime abord à Tchitchikov que le gymnase du chef-lieu n'avait rien à lui enseigner, que son frère et lui avaient le projet d'aller à Pétersbourg, et que ce serait pour eux une grande duperie que de perdre leur temps dans leur province. « Je comprends, » pensa Tchitchikov. « Cela tourne aux estaminets et au boulevard. » Et il ajouta en s'adressant à l'enfant, « Et en quel état se trouve le bien de votre père ?»« Hypothéqué, » répondit le père lui-même qui venait de rentrer dans la chambre. « Grevé, archi-grevé. » « Ceci est mauvais, » pensa Tchitchikov. « Bientôt tout sera séquestré, vendu, morcelé. Il n'y a ici pour moi que du temps à perdre. »« Mon Dieu, » dit-il d'un ton de sympathie, « vous auriez peut-être pu éviter d'engager ce beau domaine. »« Eh, ce n'est rien. On dit même que c'est avantageux. Tout le monde engage ses terres. Pourquoi donc rester en arrière des autres ? Je ne demeurerai pas toujours ici. Il faudra bien aller essayer un peu de la vie de Moscou. » Et voici mes fils, qui de leur côté abondent dans cette idée. Ils veulent avoir une éducation de capitale, et non de village, c'est naturel. Voilà un fou, pensa Tchitchikov. Il jette sa fortune au vent, et il donne lui-même leçon de prodigalité à ses enfants. Ceci est un assez beau domaine. S'il leur enseignait à se bien conduire avec les paysans, à régir sagement cette terre, tous s'en trouveraient bien, serfs et seigneurs. Mais dès que ces grands dadais auront tâté de la civilisation, des restaurants et des théâtres, toute cette prospérité s'en ira au diable. Moi, à leur place, je ferais ici mes choux gras. Et comment ? Allons, je sais ce que vous pensez, là. Tchitchikov se troubla, et surtout lorsqu'il entendit les 5 premiers mots de ce qu'ajouta son hôte. Vous pensez, voilà un fou, ce Pétoukov. Il m'invite à dîner, je suis chez lui depuis 1 heure et rien n'est encore prêt. Patience, cela chauffe, mon très cher monsieur. La fille à tête rosée que vous avez vue en passant n'aura pas fait ses tresses que nous serons servis, vous verrez. Père, voici Platon Mikhaïlovitch qui vient dîner avec nous. Dit Alexandre qui s'était mis à la fenêtre. « Où ça ? » dit Nicolas. « Là, sur un cheval gris ? Tu crois, Alexandre ? Allons donc, il est plus gros que ça. »« Plus gros ou moins gros, comme tu voudras, mais c'est son allure, c'est bien lui. »« Où donc ? Où donc ? » s'écria Pétoukov, en courant à la fenêtre. « Qui est ce Platon Mikhaïlovitch ? » demanda Tchitchikov à Alexandre. « Un de nos voisins, » répondit Alexandre. « Platon Mikhaïlovitch Platonov est un charmant homme. » En ce moment, entra dans la chambre un bel homme de grande taille, bien prise, œil noir, chevelure blonde frisant d'elle-même, tout naturellement, en tire-bouchon sur sa tête. Un jeune bouledogue à joli collier de cuivre, effrayant de vigueur et de denture, répondant au nom de Laro, entra en même temps que son maître. « Vous avez dîné ? » dit mon hôte au nouveau venu. « Oui. »« Alors vous êtes venu pour me narguer. »« que diantre voulez-vous qu'on fasse d'un homme qui a dîné ?» Monsieur Platonov sourit et dit « Sachez, pour votre consolation, que je n'ai rien mangé, que je ne mange rien, que je ne mange plus, que je n'ai plus le moindre appétit. » « Quelle pêche je viens de faire! Si vous voyez quel esturgeon, demandez, et même quel carassin !»« C'est dépitant de vous entendre parler. Comment faites-vous donc pour être toujours si gai ?»« Je vous le dirai, si vous m'apprenez d'où vient votre ennui. » »« Belle question. Mon ennui vient de ce que rien ne m'intéresse, rien ne m'amuse plus. » »« Vous mangez peu, tout est là !» Mettez-vous à bien dîner et vous verrez la différence. Ils ont inventé l'ennui, la belle découverte, ma foi. Autrefois, ici, on n'avait pas l'idée de ce mal-là. Vous y mettez de la fatuité, allons, comme si vous ne connaissiez pas l'ennui. Jamais je n'ai eu l'ombre d'ennui, je vous jure. Je ne saurais où prendre le temps d'en essayer. Le matin, je m'éveille, le cuisinier accourt à l'instant. Je lui commande le dîner, puis je prends le thé, je questionne l'intendant, je vais à la pêche, j'en reviens pour dîner, je dîne. À peine j'ai dîné que le cuisinier reparaît pour que je lui commande le souper. Où voulez-vous donc que je trouve du loisir pour m'ennuyer ? Pendant tout le temps que dura ce dialogue, Tchitchikov envisagea le jeune seigneur. Celui-ci le frappa beaucoup par sa beauté très peu ordinaire, par sa taille fine et souple, par la fraîcheur d'une jeunesse parfaitement conservée, par une pureté virginale d'incarnation que ne venait point contrarier la plus petite tache de rousseur ou autre tache quelconque. Ni passion, ni chagrin, ni rien qui ressemblât à des inquiétudes ou à des émotions vives n'avait effleuré aucun de ses traits. N'était venu, par un pli, par une ride, par un vestige quelconque, s'imprimer sur cette surface lisse et placide, et du moins y apporter un peu d'animation. C'était, malgré un imperceptible sentiment ironique, peut-être, une physionomie somnolente. Me sera-t-il permis, monsieur, de dire ici que, ni moi non plus, je ne puis comprendre qu'avec une figure comme la vôtre, on puisse connaître l'ennui. Je conçois pourtant que, si l'on a des revenus insuffisants au point de manquer d'argent, ou bien si l'on a des ennemis qui soient acharnés, capables même d'attenter... Veuillez croire, monsieur, que, comme diversion à l'état constant d'apathie où je vis, où je végète, si vous voulez, je désire souvent quelque chose d'alarme. Quelque bonne commotion physique ou morale, je voudrais qu'on me donnât quelque bon sujet de grande colère. Mais non, c'est à l'ennui sans diversion que je suis condamné. Peut-être il vous manque des terres, ou bien ce sont les âmes qui vous manquent. Du tout, mon frère et moi nous possédons 10 000 dessiatines de fort bonnes terres, et plus de 1 000 bras pour les cultiver. Le tout sans dette ni charge quelconque. C'est étrange pourtant, mais il y a de mauvaises années, et c'est là un grand sujet d'ennui. Au contraire, chez nous, tout prospère, et mon frère, homme d'ordre au premier chef, est un excellent agronome. S'ennuyer au milieu de tant de prospérité, c'est inouï, inconcevable, dit Tchitchikov avec une certaine ondulation d'épaule, assorti au sens de son exclamation. « Et nous allons chasser l'ennui tout de suite, » dit notre hôte. « Alexandre, cours à la cuisine, dire au cuisinier de nous servir les rastigas. Ça, où sont donc le gobe-mouche Emeliane et le voleur Antoshka? Qu'est-ce qu'ils font au lieu de nous servir la châle ?» Mais comme il achevait ces mots, le gobe-mouche et le voleur parurent la serviette au bras. Ils couvrirent la table et y déposèrent un plateau dominé par 6 flacons de diverses eaux-de-vie. D'autres domestiques, encore, allaient et venaient à la hâte, apportant différents mets légers dans des assiettes couvertes, à travers plusieurs desquelles on entendait le joyeux frémissement du beurre. Gobe-Mouche et Meliane, et voleur en Toshka, dirigeaient le service avec une grande entente. Ces sobriquets ne leur avaient été donnés que par manière d'encouragement, car leur maître était un fort bonhomme, très peu enclin à la gronderie. Mais, je l'ai dit ailleurs, tout bon russe a un continuel besoin de quelques mots pénétrants qui entrent dru comme la hache dans le sapin. Ce régime est nécessaire à sa langue, comme une bonne goutte d'eau-de-vie à son estomac. Que dire là-dessus aux Russes, si c'est sa nature, une nature à qui il faut du montant? À l'antéchenium, comme de raison, succéda immédiatement le tiné. Ici, notre brave homme d'hôte devint un véritable assassin. À peine il voyait dans l'assiette d'un de ses convives un morceau, il le flanquait à l'instant d'un autre en disant « Sans accouplement, ni l'homme ni l'oiseau ne sauraient vivre ». Si le convive, pour le contenter, avait pris deux morceaux, il lui en glissait aussitôt un troisième et disait « Le nombre trois est divin par excellence ». Le convive s'était-il administré trois morceaux, lui aussitôt « Où a-t-on jamais vu un chariot à trois roues? Qui jamais a construit une chaumière à trois angles ?» Il avait un autre dicton pour le nombre quatre, un autre pour le nombre cinq. Tchitchikov vint à bout d'une onzième et d'une douzième assiettée de diverses choses, et il pensa « À présent, c'est bien fini, et je n'écoute plus rien. » Il eut beau dire, l'hôte, sans proférer une parole, mit devant lui une assiette chargée d'un morceau de dos de veau rôti à la broche avec tout le rognon. Et qu'on juge de quel veau c'était. « Je l'ai nourri de lait pur, 2 ans de suite, » dit le maître, « et j'ai pris soin de lui comme de mon propre enfant. »« Je ne puis plus, » dit Tchitchikov. « Essayez, voyons, franchement, et après cela vous pourrez dire si vous pouvez ou ne pouvez pas. »« Il n'y a plus de place. » »« À l'église, il n'y avait pas de place. » Entra le Gorodnitchi. Il se trouva de la place pour lui, et il n'était pas mince. C'était une telle presse qu'une pomme lancée d'en haut ne serait pas arrivée à terre. « Essayez, vous verrez. Ce morceau, c'est le Gorodnitchi. » Tchitchikov essaya. Et en effet, le morceau se fit jour exactement comme le Gorodnitchi. Il se trouva de la place, là où il semblait que rien ne pût pénétrer. Comment un pareil homme irait-il vivre à Pétersbourg, ou même à Moscou, avec de telles habitudes d'hospitalité et de goinfrerie? Il serait ruiné en moins de 3 ans. Ainsi parlait in petto Tchitchikov. Il ignorait combien tout cela est simplifié, facilité et perfectionné aujourd'hui. Il ignorait que, sans gorger personne de vins et d'aliments, son hôte pouvait, dans les grandes villes, manger tout son avoir, non pas en 3 mois, mais en 3 semaines de temps. Il en fut à cette table des vins comme des viandes. L'amphitryon stépien ne cessa de verser rasade sur rasade à chacun et à soi. Rarement même, Alexashka et Nikolashka furent oubliés par inadvertance, car les deux aimables adolescents firent leur libation tout aussi bravement, d'un front tout aussi calme que les anciens. Et les jeunes gaillards se levèrent de table aussi fermes de jarret que s'ils n'eussent arrosé leur repas de Balthazar que d'un grand verre d'eau de fontaine. À ce dernier trait, il est, je pense, facile de deviner vers quelle branche des connaissances humaines ils porteraient toute leur attention, une fois arrivés dans la capitale des tsars. Les autres convives furent moins ingambes. Ils ne se transportèrent pas sans quelque peine de la salle à manger au balcon. Et, au moment de se colloquer dans les angles d'un divan plus large que moelleux, un spectateur, placé à une certaine distance, eût pu croire qu'ils éprouvaient une sorte de houle marine, ou d'oscillation terrestre. À peine établi dans son coin habituel, M. Péotoukoff y occupa de son ampleur un espace qui eût plus que suffi à 4 personnes, et s'y laissa aller sur l'heure à un sommeil cyclopéen, tempétueusement paisible et profond. Sa bouche et ses narines, largement ouvertes et toutes frémissantes, rendaient des sons variés et puissants à désespérer non seulement les premiers fabricants d'orgues d'Allemagne et du pays batave, mais même les plus redoutables compositeurs de la grande musique moderne. Il y avait là, outre les basses, et flûtes, et tambours, et trompettes, brochant sur un ronflement soutenu et frémissant, qui allaient agiter sur leurs gonds les battants crochetés de la porte et des fenêtres ouvertes. « Voilà un véritable tonnerre d'harmonie !» dit Platonov. Tchitchikov se borna à sourire. « Sans doute qu'avec une table comme la sienne, on ne donne aucune prise à l'ennui. Le sommeil est tout de suite là !» ajouta Platonov. « C'est vrai, mais avec tout cela, pardon, je ne puis comprendre comment on donne prise sur soi à l'ennui quand il est tant de moyens de s'en garantir. » « Ces moyens sont sans nombre, selon moi, pour un jeune homme. L'un fait ses délices de la danse, un autre d'un instrument de musique, un autre se marie. Que ne vous mariez-vous pas ?»« Avec qui ? Il y a certainement bien dans le pays des demoiselles à marier, jolies, riches, aimables. »« Non, que je sache. » Il faut en aller chercher plus loin, il faut voyager un peu. Voyager est un mot autour duquel se groupe presque toujours une foule de riantes idées. Tchitchikov, après l'avoir prononcé, ne put s'empêcher de regarder attentivement son interlocuteur et de s'écrier « Voilà, voilà un excellent remède à l'ennui !»« Quoi ? Voyager ! Voyager où ?» Eh, mais, puisque vous avez tant de beaux loisirs dorés, venez courir un peu le pays avec moi, dit Tchitchikov. Et il pensa, toujours en observant M. Platonov, ce serait charmant, il payerait la moitié des frais du voyage, cela va sans dire, et de plus, toutes les réparations d'équipage. Où vous proposez-vous d'aller ? En ce moment, je voyage moins pour mes affaires que pour faire plaisir au général Betrichev. Vous le connaissez ? Pas du tout. C'est un de vos voisins, un ami, un excellent ami, à qui j'ai des obligations. Il m'a prié d'aller voir des personnes de sa parenté, de leur porter quelques paroles de lui. Sans doute il y a parents et parents. Aussi bien est-ce en partie pour mon divertissement que je me suis chargée de la chose, car voir le monde, examiner par occasion de nouveaux hommes, presque chaque jour, un à un, famille à famille, c'est, quoi qu'on en pense, un excellent contrôle de la science, ou plutôt, à mon sens, c'est le livre même de la vie. Tchitchikov se tut un instant, puis, le voyant rêveur, il se dit in petto, « Frère, ce serait charmant. Il est riche, il peut bien prendre sur lui 2/3 des frais. Il peut se charger même de tous les frais. Il a des chevaux, on peut se servir de ses chevaux. Parfait. Les miens, pendant ce temps-là, se referont. Je veux dire, se referaient joliment dans son village. » Et quoi donc ? Pensait de son côté Platonov. Pourquoi ne pas se distraire, se promener un peu avec un bon compagnon ? Je n'ai rien à la maison qui me retienne. Tout dans nos terres et dans les mains de mon frère, qui aime, lui, ses soins et ses tracas d'économie rurale. Et il dit à Tchitchikov, « Rien n'empêche, en effet, que nous ne voyagions quelques semaines, ou même quelques mois ensemble. Seulement... « Voudrez-vous bien consentir à passer chez mon frère un couple de jours ? Je le connais, il serait sans cela homme à me retenir sous différents prétextes. »« 2 jours ? 3, si vous l'aimez mieux, qu'à cela ne tienne, et je m'en fais un grand plaisir. »« Eh bien, touchez-la, nous partons !» s'écria Platonov, tout réjoui de la résolution prise. et ils se frappèrent cordialement l'un l'autre dans la main en disant « C'est convenu, nous partons !»« Où ça? Où ça? Voyons !» s'écria leur hôte en s'éveillant et en braquant sur eux deux gros yeux chargés de moiteur et de somnolence. « non pas, ma foi, chère dame, on ne fuit pas si aisément de chez moi, et nous y avons mis bon ordre. J'ai fait enlever une roue à certaines calèches élégantes, et quant à votre étalon, Platon Mikhaïlovitch, je l'ai envoyé en expédition à quelque 15 verstes d'ici. Vous couchez aujourd'hui chez moi. Demain, si vous l'ordonnez, nous dînerons de très bonne heure, et vous serez libre comme l'air dès après la séance. On ne badine pas avec Petoukov, mes belles dames. » Platonov connaissait assez bien le patron pour savoir qu'il n'y avait pas à s'en défendre, et il se résigna à rester. Il n'y a rien de tenace en Russie, comme les hommes de cette humeur dans leur parti pris d'hospitalité. En revanche, pour les dédommager, les deux futurs compagnons de voyage furent gratifiés d'une soirée admirablement gaie. Monsieur Petoukov organisa une promenade sur l'eau. 12 de ses paysans, armés chacun d'une rame, les transportèrent, en chantant avec beaucoup d'entrain plusieurs chansons mélancoliques à refrains bruyants, à travers toute la surface unie d'un lac, à l'extrémité duquel ils pénétrèrent dans un courant, en amont d'une large rivière sans berge de part ni d'autre, et où ils eurent à passer à chaque minute sur des cordes tendues au travers du courant par les pêcheurs de profession. Les eaux faisaient voir, à une certaine agitation, la force de leurs mouvements naturels contre l'obstacle des nombreuses perches fichées çà et là dans la rivière. Mais les rameurs levaient au moment voulu leurs 12 rames à la fois avec précision, et le cater, obéissant à l'impulsion donnée, glissait comme l'oiseau sur la surface immobile, éblouissante des lueurs d'or et de pourpre d'un beau soir. Le coryphée était un gaillard à large poitrine, possesseur d'une voix pure et sonore, d'un vrai gosier de rossignol. C'est lui qui entonna la chanson. 5 de ses camarades reprirent ses paroles. Les 6 autres joignirent leur voix en relevant le premier motif, pendant que les premiers passaient à un second motif et que le coryphée déjà préludait à un 3e. Et le chant ainsi grandit, grossit, s'élargit, s'anima. Petoukov s'agita sur la banquette, puis il chantonna, puis il se joignit assez résolument à la basse, qui était la partie faible du canon. Tchitchikov ne chanta pas, mais il se sentit fier pour son pays d'entendre à la lisière de la steppe un chant russe si harmonieux. Le seul Platonov, fidèle à lui-même, pensa « Le beau plaisir vraiment d'écouter des chants plaintifs et langoureux, comme si on n'avait pas déjà assez de prosaïque langueur dans l'âme, sans la triste poésie d'une pareille musique. » Ils redescendirent ensuite le courant et retraversèrent le lac. Il faisait déjà presque sombre. Bientôt les rames frappèrent une eau noire comme l'encre et qui ne réfléchissait plus rien du ciel. Il était nuit close quand ils regagnèrent leur point de départ. Sur la rive, des feux étaient allumés et sur des trépieds de fer, les pêcheurs confectionnaient une soupe aux poissons où, pour le nombre et l'espèce, dominait, dans son mélange avec les autres, le hierche qu'on précipitait vivant dans la chaudière. Tout dans la cour domaniale était déjà rentré. Il y avait une bonne heure qu'on avait renfermé le bétail dans les étables et la volaille dans les basses-cours. La poussière que tout cela avait soulevée était depuis longtemps retombée. Les pâtres, assemblés à la porte cochère, attendaient leur pot de lait et une invitation d'aller prendre leur part à la soupe au hierche. À la faveur du calme et des ténèbres de la nuit, on entendait les paisibles entretiens des villageois, mêlés aux jappements des chiens de quelques hameaux d'alentour. La lune s'élevait et commençait à éclairer les sites. Bientôt, après, tout fut baigné de sa douce lumière, et ce furent de magnifiques tableaux, vainement exposés. Les spectateurs manquaient au spectacle. Nikolashka et Alexashka, en ces mêmes instants, pensèrent plus que jamais au théâtre, au café, au boulevard et aux guinguettes de Moscou, dont leur avait beaucoup parlé à son passage un cousin qui était étudiant à l'université de cette capitale. Leur père était tout absorbé dans la composition de ses menus. Platonov bâillait. De nos trois principaux personnages, le plus libre, le plus vif, le plus satisfait, le plus joyeux, était Tchitchikov. Et encore avait-il une petite préoccupation, celle de l'avenir, car il se disait, à propos du présent, « Vrai, il faut que j'aie, moi aussi, un village !» Et aussitôt se présentèrent à son imagination, avec le champ, le pré et le bocage, avec la jolie maison et les jardins, la gentille petite femme et ses poupons, et, comme pendant, de belles vaches et de timides veaux bondissant autour d'elle. Le souper fut moins long, mais presque aussi copieux que le dîner. Quand Pavel Ivanovitch Tchitchikov se fut rendu dans la chambre qui lui avait été destinée, et qu'en se couchant, il tâta son ventre, il dit « Tendu comme un tambour !» Cette fois, bien sûr, le Gorodnitchi, Nicolas, ne pourrait pas pénétrer dans l'église. Et il allait s'endormir d'un somme héroïque. Mais une petite misère vint se mêler à cette félicité. Il n'était séparé que par une cloison du cabinet de M. Péetoukov, et cette cloison était si mince qu'on entendait distinctement tout ce qu'on disait ou faisait de l'autre côté. L'hôte se trouvait dans ce cabinet, fort occupé à commander à son cuisinier, sous prétexte d'un déjeuner de 11 heures, un véritable dîner de noces. Mais de quel ton et en quels termes il commandait ! C'était à mettre en appétit un moribond. M. Péetoukov, en parlant, se léchait les lèvres et semblait savourer, la narine épanouie, un jus de viande exquis. « À petit feu, tu entends ? À petit feu ! Et laisse-le se rissoler comme il faut !» Et le cuisinier répondait avec cette soumission et cette politesse servile qui s'exprime par un nombre incroyable de petits sifflements. « Je comprends, on peut le faire comme ça. Et quant au coulé-bec, tu le feras carré, carré, carré. M'entends-tu bien ? Dans un des angles, tu mettras des joues d'esturgeon et de la visiga, du cartilage de Sterlet. Dans un angle, un bon gruau de sarrasin assaisonné de champignons et d'oignons, puis de la laitance, du frais doux et des cervelles arrosées de jus de citron. Et dans la quatrième partie, des crêtes de coq, des queues et des pattes d'écrevisse. Et tu sais bien toi-même comme ça, que ça soit friand, vois-tu, que ça soit friand. » Et tout en parlant ainsi, M. Péetoukov retirait à tout moment son haleine et se léchait les lèvres et se trémoussait dans son fauteuil à le faire craquer sur lui. « Je comprends, on peut faire ainsi que vous l'ordonnez. Et fais aussi que, par un bout, il soit fort en couleur, et de l'autre bout, plus jauné, plus pâle et plus tendre. » Et pour ce qui est du corps même du gâteau, fais-le cuire de telle sorte qu'il soit tout imprégné du jus des choses de chaque quartier, entends-tu ? Car il faut que la pâte fonde, qu'elle fonde dans la bouche, vois-tu bien ? Comme de la crème brûlée, qu'il n'y ait point de travail pour la dent, et qu'on n'entende rien croquer. Tandis qu'il parlait ainsi, on entendait le clapotement continu de ses lèvres, qui devait être tout inondé d'une lymphe voluptueuse dont le gastronome de campagne a le privilège exclusif. « Quel diable d'homme ! Il n'y a pas moyen de dormir ! pensa Tchitchikov. Et il remonta le couvre-pied sur sa tête pour ne plus rien entendre. Mais cette précaution ne l'empêcha pas d'entendre encore. « Ça est autour de l'esturgeon, mais de la betterave, en forme d'étoile, des champignons blancs, jaunes, roux, et de la morille, puis de la râpure de réfort et des rouelles de carottes, des pois dragés, des pois verts ou des fèves. Enfin, tu sais, qu'il y ait de tout et beaucoup, en symétrie, oui. Après cela, tu nous enverras une panse de porc farci, le jus à part en saucière. Remplis-moi ça si bien que chacun, en voyant devant soi cette peau rissolée et tendue, ait envie tout d'abord d'y porter à la fois la fourchette, le couteau et la dent. » Pétoukov commanda encore beaucoup d'autres plats. « Je n'ai décidément plus sommeil, » murmura Tchitchikov en se tournant de gauche à droite, en se faisant un profond ravin de ses oreillers et en recouvrant le tout, la tête comprise, de sa couverture ouatée. Mais, malgré la ouate et la plume, la couverture et les oreillers, et la cloison de poutrelles, il entendait encore ces mots. « à petit feu, et arrose souvent, et surveille bien, et retourne à temps. Il faut, vois-tu, que cela soit rissolé, et rissolé également. » Tchitchikov s'endormit sur une dinde farcie aux châtaignes. Le lendemain, nos trois convives mangèrent tant et si bien que Platonov se déclara lui-même hors d'état de monter son étalon. Le cheval fut renvoyé avec un palefrenier de Pétoukov. Tchitchikov et Platonov prirent place dans la calèche. Laro, le doguin de ce dernier, suivit l'équipage d'une allure assez lourde. Lui aussi, il était repu outre mesure. « Notre hôte pousse les choses un peu bien loin dans ses curés, » dit Tchitchikov dès qu'ils furent hors de la cour. « Et cette villa ne l'ennuie pas. Voilà ce qui me dépite, » répondit Platonov. « Si j'avais comme toi, » pensa Tchitchikov, « 70 000 roubles de revenus, ce n'est certes pas moi non plus que l'ennui viendrait surprendre. Ne seriez-vous pas trop contrarié de passer avec moi dans une campagne située à 10 kilomètres d'ici ? Dit Platonov. Je voudrais prendre congé de ma sœur et de mon beau-frère. Nullement, nullement, je vous assure. Si vous êtes amateur d'économie rurale, poursuivit Platonov, vous aurez plaisir à faire sa connaissance. Vous ne trouverez nulle part un homme plus entendu dans cette partie. En 10 années de travail intelligent, il a mis son domaine dans un état si florissant que le revenu en est déjà plus que triplé. D'après ce que vous me dites là, votre beau-frère ne peut être qu'un homme fort honorable. Il y a tout profit à faire la connaissance de pareilles personnes. Il se nomme Constant Joglo. Son nom de baptême est celui de son père, je vous prie. Constantin Féodorovitch. Constantin Féodorovitch Constant Joglo. Je vous remercie. Vous m'avez donné un bien grand désir de le connaître. Oui, oui, c'est une connaissance bien bonne à faire. Platonov se mit à prodiguer les indications au cocher Selifane, ce qui était une besogne pénible, mais indispensable, car celui-ci se trouvait ce jour-là singulièrement occupé du soin de garder sur son siège un salutaire équilibre. Quant à Petrouchka, par un étrange effet de la voix, au demeurant fort douce, de Platonov, deux fois il tomba du siège en s'enroulant comme une pelote, de sorte qu'il fallut l'assujettir avec des cordes au flanc gauche de Selifane, que tout ce travail des maîtres dégrisa heureusement un peu. « Oh, l'animal !» dit plusieurs fois Tchitchikov. « Quel veau !» bégaya Selifane, évidemment fier de son aplomb à peu près retrouvé. « Voyez, voici l'endroit où commencent les terres de Constantin. Cela n'a-t-il pas un tout autre aspect ?» Et en effet, on voyait un jeune bois aux arbres droits comme des flèches, puis un autre bois, plus haut, une nouvelle futaie, puis un bois plus vieux, plus élevé encore et rempli de superbes baliveaux. Et nos voyageurs passèrent à travers le bois, objet de leur admiration, successivement sous quatre berceaux prolongés par les arceaux gigantesques d'une immense ville fortifiée qui aurait eu quatre murs d'enceinte en étage, tous percés de tunnels et de plus en plus imposants. « Tout cela, reprit Platonov, a poussé chez lui en 8 ou 10 ans. Il en faudrait 30 à tout autre propriétaire pour obtenir un pareil résultat. » « Comment a-t-il donc fait ? » dit Tchitchikov. « Vous n'avez qu'à lui demander. Tout ce que j'en vois, moi, c'est qu'il est né agronome, si bien qu'il ne donne rien au hasard, et que, n'exigeant de la terre que ce qu'elle donne volontiers, il obtient tout ce qu'il lui demande. Il connaît la nature des terrains, mais c'est peu. Il considère attentivement le voisinage de chaque terrain. Toute chose chez lui doit fonctionner à double et à triple fin. En tout lieu, l'aménagement des bois est un travail très important en lui-même. Chez lui, le bois sert le champ, la forêt communique son humidité où il faut, donne ses feuilles mortes où il faut, porte son ombre où il faut, et protège contre les ouragans les parties qu'il faut protéger. Le pays se plaint de la sécheresse, lui, il n'en souffre point. Se plaint-on de la disette, il a autour de lui des récoltes superbes. Je regrette d'être si peu versé dans cet objet que je ne sais pas même en parler. Lui, il a le secret de la terre. Que voulez-vous que je vous dise? C'est à ce point qu'il passe pour sorcier. Vous verrez beaucoup de choses aujourd'hui même. Naturellement, pas la 100e partie de ce que je puis voir tous les jours. Mais tout cela n'empêche pas que je m'ennuie. Oh, ça, voici un bien singulier homme avec son ennui, pensa Tchitchikov. Un tout jeune homme, comment dirais-je, superficiel, qui ne sait pas raconter les choses en détail, qui ne parle que par ennui et s'ennuie de parler. Je voudrais tout savoir en détail. Vrai, voilà que je grille d'impatience. À la fin, on découvrit un village énorme, un village qui faisait l'effet d'une ville par l'effet pittoresque des habitations, construites sur 3 hauteurs surmontées d'un même nombre d'églises et ceintes de toutes parts de meules de foin et d'amas de gerbes. C'est vrai, se dit Tchitchikov. On voit bien qu'ici habite un maître-homme de seigneur. Les chaumières étaient de bonne et solide construction, les rues larges, la voie sèche, unie, tenue dans un état parfait, ainsi que tous les chariots arrêtés aux portes cochères. Il passa un paysan. Il avait une expression de physionomie pleine d'intelligence. Le bétail était remarquablement beau, et il n'y avait pas jusqu'au pourceau de l'endroit qui n'eût je ne sais quel air sentant son gentilhomme, comme qui dirait un pourceau distingué et de grande maison. Là, sans doute, vivent ces paysans qui, comme dit la chanson, bêchent l'argent et le remuent à la pelle. Il n'y avait, il est vrai, ni parcs à l'anglaise, ni prairies artificielles, ni tourelles légères, ni ponceaux élégants. Mais il était impossible de ne pas admirer une longue et large perspective d'embarras, de granges, de magasins, de maisons de travailleurs de tout genre, s'étendant jusqu'à la maison seigneuriale. À quoi il était facile de reconnaître que le seigneur portait un intérêt direct aux travaux et voulait voir ce qui se faisait autour de lui. Il s'élevait même au-dessus de la toiture du maître une sorte de tour vitrée d'où l'on découvrait le pays à 15 ou 16 verstes à la ronde. Belvédère destiné, non pas à l'ornement de la maison et à l'agrément des visiteurs, des enfants et des serviteurs, mais à la surveillance du travail des champs, de tous les côtés de l'horizon. Bref, c'était un véritable observatoire agronomique. Nos deux voyageurs, à leur descente de calèche, virent venir à eux deux domestiques dégourdis, qui ne ressemblaient en aucun point à notre lourd et aviné Petrouchka. Ils n'étaient pas en habit à la française. Ils portaient des tchèkmènes, tuniques, cosaques, du drap bleu du cru, et la taille se dessinait sous l'aspect d'une ceinture de drap bleu turquoise ou lapis lazuli. La maîtresse de la maison accourut elle-même sur le perron du manoir. Elle était fraîche comme la rosée de mai et belle comme un jour de juillet. Elle avait tous les traits de Platonov, tous, mais avec cette différence pourtant, qu'au lieu de la somnolence fatigante de son frère, elle était éveillée, communicative, joviale et accorte. « Bonjour, frère. Ah, que je suis contente de te voir. Constantin n'est pas à la maison, mais il ne va pas tarder à rentrer. » « Où est-il donc ?»« Il est en affaire au village avec des trafiquants. Je te répète qu'il ne peut tarder, vu que ses prix sont arrêtés et qu'on ne marchande pas avec lui, » dit la dame. Et elle introduisit les arrivants dans les appartements. Tchitchikov regardait avec curiosité la demeure de l'homme extraordinaire qui avait 200 000 roubles de revenus. Il avait la pensée de se faire à lui-même, d'après les appartements, une idée assez exacte du maître, comme d'après une coquille vide, on juge de l'huître ou du lima dont elle a été l'asile et l'ouvrage. Mais il était fort difficile ici de tirer aucune conclusion de l'aspect de la coquille. Les chambres étaient tout ordinaires et les parois nues, ni fresques, ni tableaux, ni bronze, ni fleurs, ni tablettes, ni porcelaine, ni livres, rien. En un mot, tout annonçait que l'essence de la vie de l'individu principal de cette habitation n'était point resserrée entre quatre murs, mais ailleurs, mais épandue au grand air dans les campagnes, et que ses pensées ne s'élaboraient pas à loisir devant un bon feu de cheminée, au fond d'un moelleux fauteuil, là même où elle lui venait à l'esprit. Il les mettait à exécution, sans désemparer et sur le champ. Tout ce que Tchitchikov put remarquer dans les appartements, ce fut le signe très probable d'un travail de femme. Sur les tables et sur les chaises étaient disposées des planches de tilleul très propres, et sur ces planches, des étamines de fleurs destinées à être conservées sèches. « Qu'est-ce que c'est donc, sœur, que toutes ces balayures de jardin et ce foin que tu nous étales là ?»« Des balayures ? Mes fleurs, mes simples, des balayures ! Du foin, y penses-tu ? Avec cette fleur-ci, je coupe une fièvre nette comme une tranche de lard. Elle m'a servi l'hiver dernier à soulager, à sauver peut-être plus de 30 paysans, hommes et femmes. Tiens, voici un puissant astringent. Celles-là se mettent en confiture, celles-ci dans les salaisons du concombre et autres. Bien, bien, à présent, vous riez des concombres d'hiver et des conserves au sucre, au vinaigre et à l'eau-de-vie. C'est bien ridicule aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais plus tard, je vous en régalerai et vous serez les premiers à m'en faire compliment. Platonov se mit devant le piano et voulut déchiffrer quelques cahiers de musique. Mais bientôt il se leva et dit en plissant le front et en haussant les sourcils « Ouf, quelle vieillerie, sœur! Et n'as-tu pas honte d'en rester là de ta musique ?»« Ah, mille excuses, mon cher frère, mais il y a bien longtemps que je n'ai plus le loisir de m'occuper de musique pour moi-même. J'ai une fille de 8 ans qui me fait retourner aux gammes du solfège. » La confier à des mains étrangères, afin de pouvoir, moi, me délecter des nouvelles partitions? Non, frère. Avec ou sans la permission, je n'en ferai assurément rien. Sais-tu que tu deviens ennuyeuse, chère sœur? Dit nonchalamment Platonov, et il alla se mettre à la fenêtre. Aussitôt, il ajouta, « Ah, voici Constantin là-bas. » Et le frère et la sœur regardèrent dans la cour. Tchitchikov, de son côté, se précipita dans la baie d'une fenêtre ouverte. Vers le perron s'avançait un homme de 40 ans, d'une physionomie à la fois vive et modeste. Son costume était celui d'un homme qui ne pense point à sa toilette. À sa droite et à sa gauche marchaient, le bonnet à la main, deux hommes de la classe inférieure qui paraissaient solliciter de lui quelque chose. L'un était un simple paysan, l'autre un pataud à l'air mignard, un lourd complaisant, vêtu d'une sibirka grise. Comme ils réussirent à arrêter M. Constant Joglot tout près du perron, leur entretien se faisait parfaitement entendre dans les chambres. « Voilà ce que vous devez faire, à mon avis, » disait Constant Joglot au paysan. « Rachetez-vous de votre seigneur. Vous n'avez pas assez, supposons. Eh bien, je vous prêterai, et vous me rembourserez en journée de travail. » « Non, à quoi bon nous racheter ? Prenez-nous comme cela à votre service, et pour toujours. Chez vous, on devient homme et on apprend la vie. Partout ailleurs, voyez-vous, le mal est si grand et si fort qu'il attire à soi. Les cabaretiers ont inventé de telles eaux de vie aux herbes qu'elles allument dans la poitrine une soif qu'un seau d'eau froide est impuissant à éteindre. On se remet, on s'aperçoit qu'on n'a plus un rouge denier. C'est une grande tentation, un scandale. Le malin retourne le monde à sa guise. Je vous assure qu'il emploie toutes sortes de pièges, sans souci du regard de Dieu, pour tirer à lui le pauvre monde. On s'est mis à se bourrer le nez de tabac en poudre, à se gorger de la fumée de cette herbe maudite qui tue les mouches. Il se vend publiquement des filtres en bouteille. On a vu, c'est certain, on a vu le cuisinier d'une dame, d'une noble, préparer pour sa maîtresse des grenouilles. Figurez-vous, de vraies grenouilles. Et c'est le docteur qui a donné la recette, d'après laquelle on cuit et on assaisonne cette crapaud d'ail. La dame a tout avalé. Elle en redemande, figurez-vous. Et voilà que le cuisinier en a goûté. Et qu'il soutient que c'est très bon. Quand tout marche au commandement du diable, que peut faire l'homme ? On a des yeux, on voit, on y est pris. Écoute, il faut que tu saches bien ce que tu me demandes. Chez moi, on est bien loin de faire tout ce qu'on veut, et j'admets moins qu'un autre cette excuse qu'on a été tenté. Il est vrai que vous recevrez tout de suite une vache et un cheval. Mais à quoi il faut bien songer, c'est que positivement, j'exige du paysan plus que personne n'exige dans tout le pays. Sur mes terres, le travail est le premier point, et j'oblige les gens à travailler pour eux avec le même zèle et la même assiduité que pour moi. Je suis très mauvais pour les paresseux, et j'ai le droit, vois-tu, de leur rendre la vie dure. Je travaille moi-même comme un bœuf, et je serais très choqué qu'on essayât de se tenir devant moi les bras croisés. J'ai éprouvé, frère, que quand on ne travaille pas, les rêves arrivent, la tête s'en va, et on est fou de son corps. À présent, tu es avisé. Laisse-moi. Va causer de tout cela avec les autres. Réfléchis mûrement et consultez-vous bien. Et Constantin Féodorovitch, c'est déjà tout réfléchi. Ce que vous dites là, les vieux nous l'ont très souvent dit à leur manière. Un fait que nous savons, c'est que tous les paysans de vos terres sont riches. Et on sait bien aussi qu'ils ne volent point. L'argent ne leur est pas tombé du ciel. Et vos prêtres d'ici sont de vrais hommes du bon Dieu. Au lieu que chez nous, partout eux aussi ont tourné à mal. Et il n'y a plus personne pour prêcher la morale. C'est égal. Allez et délibérez avec les autres. Bien, Constantin Féodorovitch, nous allons. Eh bien, Constantin Féodorovitch, vous me ferez, n'est-ce pas, la grâce de rabattre un tiers ou au moins un quart, dit le grivois en sibirka bleu qui marchait en minaudant et en frétillant à sa gauche. Je t'ai déclaré dès les premiers mots que je n'aime pas à marchander. Je te répète maintenant que je ne suis nullement dans le cas de tel obereau que tu vas trouver sournoisement juste la veille de l'échéance de sa dette du Lombard. Je vous sais tous par cœur, voyez-vous. Je sais que vous avez tous un état exact des dettes de la noblesse du district où vous exercez, et que vous épiez les échéances pour paraître à point au moment de l'angoisse. Il est clair qu'alors, vous obtenez ce que vous voulez à moitié prix. Mais pour moi, qu'est-ce que c'est que ton argent, lorsque je puis, sans même y penser, laisser dans mes celliers, mes chantiers, mes magasins, dormir paisiblement en bois, blé, chanvre, goudron, résine, charbon et le reste? Je n'ai pas de paiement à faire aux Lombards, moi. Ça, c'est vrai, Constantin Féodorovitch. Eh bien, c'est dit, mais c'est seulement pour l'avantage de traiter avec vous, car il n'y a là aucun profit à espérer. Voici les arts. Il y a là 3 000 roubles. Tenez. Et il livra à Constant Joglot un paquet de sales assignats qu'il venait de tirer de sa poitrine. Constant Joglot prit le paquet et le fit aussitôt passer très froidement et sans compter dans l'une des poches de derrière de la robe de son surtout. Fit tout bas Tchitchikov. Il fait de ses assignats de banque comme d'un mouchoir de poche. Constant Joglot, une minute après, parut sur le seuil du salon. Tchitchikov fut frappé plus fortement encore, en le voyant de près, par le hâle de son visage, par le fourré de sa noire chevelure déjà marquée çà et là de gris, par l'expression vive de son regard et par le teint bilieux particulier aux natifs du Midi. Il n'était pas d'une origine proprement russe. Lui-même, il ignorait d'où étaient venus ses ancêtres et se souciait très peu de son arbre généalogique, jugeant que la possession des preuves ne vaudrait jamais le coup de la recherche et que de tels documents ne sont d'aucune utilité en agronomie. Il se tenait pour russe et bon russe, à tel point qu'en fait de langue, il ne savait que le russe et qu'il le parlait sans ambage, tout à fait à la russe. Platonov présenta Tchitchikov, et celui-ci eut à l'instant même l'accolade de bienvenue. « Mon cher Constantin, tu sauras que, pour secouer mes tristesses sans cause, ou, si tu veux, mon hypocondrie, dit Platonov, j'ai résolu de parcourir plusieurs gouvernements, et voici justement Pavel Ivanovitch qui m'a proposé de l'accompagner, dans l'idée qu'il a que cela me fera du bien. » « À merveille !» dit Constant Joglot. Puis, s'adressant poliment à Tchitchikov, il ajouta « Et où comptez-vous aller d'abord ?»« Je vous avouerai, » dit Tchitchikov en penchant avec grâce la tête sur l'épaule droite et en caressant le bras de son fauteuil, « que je voyage pour le moment, non pas tant pour mes affaires ou mes plaisirs, que pour obliger une autre personne que je ne vois pas d'inconvénient à nommer ici. » C'est le général Betrichev, un homme excellent, qui est pour moi, je puis dire, plus qu'un ami, et qui m'a prié d'aller en son lieu et place visiter quelques-uns de ses parents. D'un autre côté, je trouve à cela mon plaisir et mon avantage, en un certain sens, sans parler du point de vue hygiénique d'éviter les inconvénients d'une vie trop sédentaire. Je maintiens que le monde est, après le livre que recommande l'Église, le livre contenant la science qui est le plus important à l'homme d'étudier bien... Ah oui. Je maintiens que le monde est, après le livre que recommande l'Église, le livre contenant la science qu'il est le plus important à l'homme d'étudier bien à fond et par pratique. Oui, il est bon d'aller un peu dans le pays examiner par soi-même quelques recoins mal connus. « Votre remarque est d'une parfaite justesse. Examiner par soi-même ces recoins-là et autres, c'est réellement et véritablement fort bon. Il faut aller voir ces choses que sans se déplacer, on n'aurait pas vues. Aborder des hommes tout retirés que l'on n'aurait jamais rencontrés ailleurs. Et parfois, leur entretien vaut des lingots d'or. Aujourd'hui, par exemple. » N'ai-je pas une de ces chances inappréciables, celle de recourir à vous, mon très estimable Constantin Féodorovitch? Instruisez-moi, étanchez la soif que j'ai de toute vérité intéressante. Je recueillerai vos douces paroles comme la manne céleste. Vous instruire? Comment cela? Et de quoi? Dit Constant Joglot avec ébahissement. « Je suis un bien pauvre précepteur, moi qui ai reçu une éducation de 2 sous. »« Enseignez-moi la sagesse, mon très honoré, la sagesse. la sagesse qui consiste essentiellement, en Russie, dans le grand art de manier, comme vous le faites, le timon de l'économie rurale, l'art d'améliorer un domaine tout en retirant de lui un revenu sûr, l'art de créer par son intelligence une fortune non pas imaginaire, mais réelle, accomplissant par le fait même ses devoirs de citoyen et méritant ainsi les respects de ses compatriotes. Je vais vous dire tout ce qu'il y a à faire. Restez demain la journée entière chez moi. Je vous montrerai tout ce qu'il y a à voir et vous expliquerai tout ce que vous voudrez, dit-il après avoir regardé avec complaisance Tchitchikov, en qui il croyait remarquer quelques dispositions heureuses. Vous verrez comme tout cela est simple. Vous reconnaîtrez qu'il n'y a là ni grande sagesse, ni science profonde. Oui, oui, restez, dit la dame. Et s'adressant à son frère, elle ajouta, je ne te laisse pas partir demain, rien ne vous presse. Ainsi, tu restes, c'est convenu. Je me mets tout à fait à la disposition de Paul Ivanovitch. Je resterai avec un très grand plaisir, mais c'est que j'ai à voir, justement, dans ces environs-ci, je crois, un parent du général Betrichev, un certain colonel Kochkarev. Kochkarev ? Eh, mais il est fou ! Justement, aussi n'irai-je certainement pas là pour mon compte, mais ce serait désobliger le général, qui est un ami intime, voyez-vous, et à qui j'ai quelques petites obligations. Eh bien, savez-vous ce qu'il faut faire ? Dit Constant Joglo. Allez-y, il n'y a pas d'Iverst d'ici chez lui. Ma bancelle est tout attelée là dans la remise. Si vous partez à présent même, vous serez de retour ici pour l'heure du thé. C'est une charmante idée, s'écria Tchitchikov en saisissant son chapeau et, sans plus de cérémonie, il s'élança dans la cour. Il ne s'agissait que d'une excursion de quelques heures, car on ne s'arrête guère en face d'un fou lorsqu'on est tout préoccupé du soin et du désir d'étudier la sagesse.